sacré qui vient du ciel. » À ces dernières paroles, la procession se remit en marche, et en vérité, n'étaient les derniers soldats quichua qui avaient apporté là, avec leurs fusils, un fâcheux anachronisme, on n'eût pu penser que rien n'avait changé dans la plaine de Cusco depuis plus de 400 ans. Raymond avait enfin pu se dégager, mais partout il avait trouvé la foule, et il désespérait de se faire jour jusqu'à Marie-Thérèse, quand il rencontra le lugubre vieillard qui l'avait conduit à la colline du singe qui danse. « Que cherches-tu? Un endroit pour voir ?» lui demanda Orellana. « Viens avec moi et je te montrerai ma fille. Je connais le Cusco mieux que les Incas. Viens, viens !» Encore une fois, Raymond se laissa conduire par le fou. Jusqu'alors, il n'avait eu qu'à se louer de ses services. Il paraissait être un précieux guide, et comme ils avaient tous deux la même idée fixe, celle de se rapprocher de Marie-Thérèse, le jeune homme s'abandonna à Orellana. Le vieillard le fit entrer dans la ville par les bords du ravin Huatanay, que traversent encore les vieux ponts bâtis par les conquistadors. Ils fuirent hâtivement la foule par des chemins détournés. Ainsi durent-ils faire le tour du prodigieux mur Atua Rumioc, qui veut dire « fait d'une grande pierre », qui ne craint aucune comparaison au monde pour la masse et la solidité. Ils passèrent près du Calcorpata, que la tradition dit avoir été le palais de Manco Capac lui-même, le premier roi Inca, le fondateur de Cusco. Puis ils redescendirent vers la plaza principale, la Huaquepata, disaient les Incas jadis, disent encore les Quichua aujourd'hui. Pour y arriver, Orellana fit traverser à Raymond le palais des Vierges du Soleil, à Cahuasi, où les filles de la maison royale étaient, dès l'âge de 8 ans, confiées aux Mamacona, littéralement mères institutrices. Là, 1500 jeunes filles, quoique vierges du soleil et vouées à son culte, étaient fiancées à l'Inca roi, et lorsqu'elles arrivaient à l'âge nubile, les plus belles étaient transférées au sérail royal. Orellana, d'un geste et d'une parole qui lui étaient coutumiers, montrait ses murs, ses chambres, ses cours, et donnait des explications. C'était le métier qui le faisait vivre. Raymond le poussait devant lui avec colère, mais le vieillard ne s'émouvait pas pour si peu et disait « Nous avons le temps. Je te promets que tu verras ma fille de si près que tu pourras lui parler. Arrête-toi et écoute la voix du passé et le chant des joueurs de Kenya. La tête du cortège n'a certainement pas atteint encore San Domingo qui a été élevé sur les pierres mêmes du Temple du Soleil. Je n'ai jamais vu un visiteur aussi peu curieux que toi. Sache que ce cloître antique des Vierges du Soleil est toujours habité par la vertu et par la prière. Les chrétiens en ont fait un couvent sous les auspices de Santa Catalina. » Raymond s'enfuit, courut au bruit que faisait le cortège en se rapprochant. Mais l'autre courait derrière lui en lui criant « Paie-moi au moins, paie-moi, donne-moi mon dû !» Raymond lui jeta une poignée de centavos que le vieillard ramassa. Descendant toujours vers la plaza principale, animé par la fureur d'avoir perdu son temps avec le vieillard évocateur du passé, il se heurta à nouveau au dernier rang de la foule indienne, et il fut très heureux de retrouver Orellana, une fois de plus, qui le tirait par un pan de son ponche. « Te voilà bien avancé, lui disait le vieillard. Tu ferais mieux de rester avec moi. Je connais un petit couloir de la nuit qui nous conduira au soleil, sur la plus haute pierre de l'ancien temple élevé aux pages du soleil, qui est la divine Vénus qu'ils appellent Chaska, ou le jeune homme aux cheveux longs et bouclés. » Orellana avait pris la main de Raymond avec autorité, et il le fit descendre dans une cave, où ils trouvèrent un escalier qu'ils gravirent, et au bout duquel ils furent, en effet, en plein soleil et au sommet de la place centrale. Ils étaient certainement les mieux placés pour voir la cérémonie, et le cortège et le peuple qui accouraient, car toutes les rues aboutissaient à cette place comme les rayons au moyeu d'un char. Ils étaient sur l'une des plus hautes pierres de ces temples qui entouraient jadis le temple du soleil, ruine consacrée à la lune, aux armées du ciel, qui sont les étoiles, l'arc-en-ciel, à l'éclair, au tonnerre, muraille toujours debout, mais temple changé en boutique, en atelier, en écurie. Penché à tomber, s'il n'avait été retenu par le fou plus sage que lui, Raymond regardait, mais il ne voyait pas encore les porteurs de litière. Le trône d'or où Marie-Thérèse, à côté de la momie du roi, avait déjà une attitude de momie. Le commencement du cortège fit le tour de la place, dans l'ordre qui avait été dit à la sortie du Sacsayhuaynam. Tous les serviteurs avaient fait reculer la foule, qui, tout à coup, se prosterna avec de grands cris et d'immenses gémissements. La litière d'or venait d'apparaître, et le roi Huanacapac revoyait pour la première fois, depuis bien des siècles, le centre du monde, l'ombilic dont il avait été le maître, la place sainte, la Huaquepata, où se dressaient les piliers des équinoxes devant le temple du soleil. La piété autour de cette grande ombre souveraine et de ce prodigieux souvenir revivant fit s'agenouiller tout ce peuple qui en oublia sa haine pour l'étrangère, pour la Kwaya immobile, avec dans ses bras son petit étranger. La litière fut amenée au centre même de la place. Alors, tout le peuple se releva avec une clameur d'allégresse, car tout autour de la litière, les caciques et tous les chefs, et tous les nobles et les amputas, qui sont les sages, se tinrent par la main et commencèrent à tourner, à danser en rond comme autrefois, quand ils tenaient chacun un anneau de la chaîne d'or et qu'ils dansaient la danse de la chaîne. Mais ils n'avaient plus la chaîne, car chacun sait qu'en apprenant la mort d'Atahualpa, les nobles de Cusco s'enfuirent jeter cette chaîne au plus profond du lac Titicaca, pour qu'elle ne tombât point aux mains du vainqueur, puisqu'elle ne pouvait plus servir à la rançon du vaincu. La danse sacrée de la chaîne d'or déroulait rythmiquement ses anneaux, quand un événement inattendu vint en troubler la belle harmonie. Un cri, un appel retentissant sembla descendre du ciel. « Recuerda !» Souviens-toi. Ce mot espagnol, qui avait été le signal de la tentative d'enlèvement de Marie-Thérèse dans la maison du serpent, fit tressaillir la Kwaya, qui, sur son trône, avait paru jusqu'alors aussi morte que son compagnon, le roi mort. L'enfant qu'elle tenait dans ses bras releva la tête, et tous deux, maintenant, les yeux au ciel, cherchaient d'où pouvait bien leur venir cette parole d'espoir. « Oh mon Dieu !» murmuraient les lèvres tremblantes de Marie-Thérèse. « N'as-tu pas reconnu la voix de Raymond, Cristobal ?»« Oui, oui, dit l'enfant, je l'ai reconnu. C'est Raymond, il vient nous sauver. » Où était-il? Où se cachait-il? La voix venait d'en haut. Ils regardèrent vers les étages de pierre où s'étaient hissés les groupes mouvants des Indiens. Mais comment le reconnaître parmi cette foule? Comment le voir? Comment savoir d'où viendrait le salut? Car maintenant, puisqu'ils avaient entendu sa voix, ils ne désespéraient plus tout à fait. Et ils firent ainsi du regard le tour des pierres et ne le virent point. Alors le mot retentit de nouveau par-dessus leur tête et si fort qu'il fut entendu de toute la place et des rues avoisinantes. « Recuerda !» La fête en fut arrêtée, la danse suspendue. Toutes les têtes étaient tournées vers le ciel et un murmure hostile commençait de monter de cette foule qu'un mot espagnol faisait sortir de son rêve de renaissance et de liberté. « Pourquoi Recuerda ?» Souviens-toi. De quoi donc devait se souvenir cette foule? Qu'elle était esclave, et que les réjouissances qui essayaient de faire revivre un passé aboli ne dureraient que l'espace d'un jour, et que le soleil de demain, oubliant le soleil d'aujourd'hui, éclairerait à nouveau sa servitude? On vit Marie-Thérèse se dresser sur son trône d'or, avec le petit étranger dans les bras. Elle revivait à ce cri qui apportait le trouble dans les jeux sacrés. Et tous, levant plus haut leurs regards, aperçurent enfin, sur la plus haute pierre de l'azur, une silhouette penchée qui tendait la main vers la Kwaya et lui criait « Marie-Thérèse, Marie-Thérèse !» Et la Kwaya cria à son tour « Raymond !» Alors, tous comprirent qu'il y avait là-haut quelqu'un qui n'était point de leur race et qui était venu leur prendre pour l'emporter avec lui l'âme de la Kwaya.